بسم الله الرحمن الرحيم نخوض اليوم المسألة الثانية واربعين لا 42e مسألة من هذا الكتاب في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي donc de la part de l'Allah Azza wa Jal dans le sens où il dit alors que Allah dit ô Isa je vais certes prendre ton âme c'est-à-dire mettre fin à ta vie terrestre et t'élever auprès de moi. Verset 55, Al-Imran. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة توهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Donc l'auteur, l'imam Chanqiti, il dit que ce noble verset, dans son apparent, laisse entendre que Isa يعني, est mort. عليه الصلاة والسلام. قال وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له et dans le Coran d'autres versets sont venus démontrer l'opposé de cela même des hadiths comme sa parole dans le sens où il dit Allah Azza wa Jal et qu'ils ne l'ont pas tué et qu'ils ne l'ont pas crucifié cependant ils ont été trompés sourate An-Nisa les femmes verset 157 وقوله تعالى وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Dans le sens où Allah dit, et qu'il n'y ait point parmi les gens du livre, sans qu'il n'y ait foi en lui avant sa mort. Yani avant sa mort. كَذَلِكَ النِّسَى les femmes, verset 159. عَلَى مَا فَصَّرَهَا بِهِ إِبْنُ عَبَّاسِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَبُو مَالِكِ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَ وَإِبْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة واختاره ابن جرير وحزم وجزم ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Donc là-dessus, c'est ce que on prit comme tafsir, comme on l'a expliqué. Ibn Abbas, dans l'une des deux versions qui a été rapportée, ainsi que d'autres comme Abu Malik, El-Hassan, Qatada, Ibn Zayd, Abu Huraira. Et comme le montrent d'autres hadiths, que en fait, cela est avant sa mort. C'est-à-dire que Isa a.s. n'est pas encore mort. قال والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. Donc il va répondre à cela sous trois angles. الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما. Donc maintenant il dit le fait qu'il ait dit je vais prendre ton âme, mettre fin à ta vie terrestre. Ce verset ne cite pas quel est le moment précis lors duquel cela aura lieu. Et كذلك, il ne montre pas que cela a déjà eu lieu. Juste qu'il va lui reprendre sa vie à un moment quelconque, qu'il le fera. Mais le verset lui-même ne dit pas que ce sera forcément maintenant ou que cela a déjà été fait. لكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. Et également qu'il n'y a aucune preuve qui dit que ce jour-là a déjà eu lieu. Que Allah Azza wa Jal a déjà pris la vie de Isa ibn Maryam. Ensuite, il a fait un long débat sur le fait que « wa rafi'uka » car dans le verset Allah Azza wa Jal, il dit « mutawaffika » c'est-à-dire « prends ton âme » et « rafi'uka » est élevé auprès de moi. Alors que le fait qu'il est élevé auprès de lui, cela a déjà eu lieu. Et là, il a débattu par rapport au fait que le « waw » harf atf en langue arabe n'implique pas forcément un ordre, « tartib » que ce qui est cité avant a lieu, ce qui est cité avant le « waw » a eu lieu avant ce qui c'était après le waouh. Ça, c'est pas obligatoire avec le waouh, half-atf. Ça, il se peut que ce soit comme si, et il se peut que ce soit différent. Cela n'est pas obligatoire. Par exemple, tu dis Ja'a Zayd wa Amr, Zayd est venu et Amr, le waouh ne veut pas forcément impliquer que Zayd est venu avant Amr. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être le contraire. Le waouh implique seulement que les deux sont venus. Mais il n'indique pas forcément que le premier qui est cité est venu avant le second. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas, au point de vue de la langue arabe, ce n'est pas obligatoire avec le waouh. Là, yufidu tartib. Après, si tu as un long débat par rapport à cette masse-là, Puis si t'as al-wajhu al-thani, deuxième réponse qu'il peut y avoir. Anna ma'na mutawafika ay munimuka wa rafi'uka ilayya ay fi tilka an-nawma. Deuxième réponse, c'est mutawafika dans le sens je vais te faire dormir. Wa rafi'uka ilayya, t'élever auprès de moi lors de ce sommeil. Wa qad ja'a fi al-Qur'an itlaq al-wafa 'ala an-nawm fi qawlihi ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Et que le fait d'employer le mot wafa, wafa, c'est en fait ce qu'en français on traduirait par dessin, par décès. Traduirait par décès, comme la mort. D'accord ? Et dans le Coran, ce mot wafa est déjà venu employé avec le sens du sommeil. Comme dans sa parole où il dit, dans le sens, il est celui qui prend votre âme la nuit et il sait ce que vous avez fait lors de la journée. Al-An'am, verset 60. Wa qawlihi Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Et que Allah est celui qui prend les âmes, saisit les âmes lors de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas lors de leur sommeil. Az-Zumar, verset 42. Donc là, ça montre bien que lorsqu'il dit hina mawtaha, il veut dire quoi lors de leur sommeil? L'heure de leur sommeil. Car après, il précise, et celles qui ne sont pas mortes dans leur sommeil, il les renvoie. Donc ce mot wafa peut être appliqué également pour le sommeil. Wa aza ibn Kathir hadha al-qawl al-aktharin wa istadalla bil ayatayn mazkuratayn wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Donc Ibn Kathir a rapporté que c'est l'avis de la plupart des mufassirines, des gens du savant de l'exégèse, qu'ils voient que le sens de wafa veut dire sommeil. Et en prenant comme preuve ces deux versets stipulés là dernièrement. Et également dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, longe à Allah, celui qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir. C'est-à-dire au réveil. Lorsqu'on se réveille, ça c'est un zikr de l'istiqaz, lorsqu'on se réveille. Que Allah nous a rendu la vie après qu'il nous ait fait mourir. C'est-à-dire la petite mort qui est le sommeil. Qui est le sommeil. Ça, c'était le deuxième wajh. Al-wajh al-thalith anna mutawaffika ismun fa'il tawaffa idha qabadahu wa hazahu ilayhi. Wa minhu qawluhum tawaffa fulanun dinahu idha qabadahu ilayhi. Donc maintenant, mutawaffika, c'est le ism fa'il du verbe tawaffa, yatawaffa, qui a également le sens de saisir, de prendre une chose vers soi-même. À l'exemple où ils disent « Tawaffa fulan dinahu » que un tel a saisi sa religion. Donc, « Yaqul fayakunu ma'na mutawaffika ala hadha qabiduka minhum ilayya hayyan wa hadha al-qawl wa ikhtiyar ibn Jarir. » Donc ça veut dire quoi « mutawaffika » dans ce sens-là? C'est-à-dire « je vais te saisir en leur milieu vers moi alors que tu es vivant, que Allah va te prendre. » Ça, c'est le qu'a choisi Ibn Jalir. Et là, le shir lui n'a pas cité quel est l'avis le plus fort parmi les trois. Rajih indahu, il n'a pas cité. Mais les trois réponses, elles sont fortes. Et les trois démontrent que Isa alayhi salam n'est pas encore mort, et à savoir qu'il y a plein d'ahadiths qui l'ont démontré, qu'il va revenir, qu'il va descendre, et qu'il va juger avec la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon. Mais là, principalement, il veut faire quoi? Avec tafsir du Coran, avec le Coran. Et quant aux hadiths, ici, il y a des hadiths qui sont venus que Allah va lui prendre des heures et des jours. Ensuite, il va lui rendre la vie. Cela fait partie des Israéliyat, de ce qui était rapporté des Bani Israël, des choses qui n'ont pas de source d'authentification auprès de nous, qu'on ne doit ni croire ni démentir. Fahada huwa qawl al-jawab fi hadhihi al-mas'ala. Naam. Fanaktafi bihada. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.